D'où te vient la passion du théâtre? Mon cousin a fait du théâtre avant moi et je suis allée voir sa première pièce de théâtre. J'avais environ 6 ans et je suis tombée amoureuse de la pièce et j'ai tout de suite compris que c'était ça que je voulais faire. Donc, t'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 8 ans, ça fait environ 9 ans. T'as joué quelle pièce? Je me souviens pas de toutes parce que ben en 9 ans j'en ai joué quand même pas mal, mais je me rappelle beaucoup de Peter et Pan. C'est la toute première pièce que j'ai jouée. J'ai repris aussi dans le cadre de Sport Art Études les pièces de William Shakespeare et j'ai participé à un travail de certificat à l'école de culture générale qui s'intitulait Little Boy. Ce travail, il constituait à créer une pièce entièrement à partir d'un texte donné. Parce qu'une pièce, ça nécessite combien de temps pour la produire? Alors, pour ce qui est mise en scène, pour la pièce de Little Boy qu'on a jouée, on a travaillé environ 120 heures en 5 mois, sans compter l'organisation des costumes, des décors, des lumières, de la publicité et trouver aussi des bénévoles pour nous aider en termes de lumière ou de choses comme ça. Ah oui, c'est des grands travaux. Quelle pièce t'a le plus touché, donc? Justement, c'est celle de Little Boy que ma dernière pièce. Ok, pourquoi? Parce que mon personnage, qui était celui de Dark Vador, il me correspondait énormément et je connaissais pas les gens avec qui j'allais travailler, mais très vite, un lien s'est créé entre nous. Et cette pièce m'a permis de me rendre compte que le théâtre était vraiment une passion, c'était vraiment ça que je voulais faire. Ok. Donc ça a engendré quoi au final? L'auteur de la pièce, qui est Camille Rebeté, il nous offre la possibilité d'aller jouer cette pièce au printemps au Centre international francophone de théâtre en Pologne à Poznań. Waouh, bravo. Merci. Et la pièce, elle parle de quoi? Alors, en gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui perd ses parents dans un incendie. Il est donc mis dans un internat et il va rencontrer l'infirmière de cet internat qui va s'occuper de lui. Et tout au long de l'histoire, des souvenirs de l'incendie vont le hanter. Et ses souvenirs le suivent, et pour se consoler de tous ses souvenirs, de toutes ses pertes, la perte de ses parents par exemple, il va se créer des amis imaginaires qui ont des personnalités très très distinctes et qui vont l'aider à faire son deuil. D'accord. En fait, tu fais partie d'une troupe. Non, parce que j'ai divers projets en cours, mais je souhaiterais faire partie d'une troupe plus tard. Parce que tes projets actuels, c'est quoi exactement? Je monte une pièce avec l'option théâtre de l'École de culture générale de Delémont pour fêter les 10 ans de la division santé sociale art. Et cette pièce, elle s'intitule Le cercle de Crécocasien, qui est écrit par Bertolt Brecht et qui date de 1948. Et le langage qui est utilisé au sein de ce texte, il est très vieux et très soutenu. Et on a donc réécrit quelques parties de la pièce afin que celle-ci soit compréhensible par tous. La mise en scène, elle a également été conçue par nous. Et puis tes projets pour l'avenir? J'aimerais pouvoir percer dans le théâtre, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités en Suisse. L'enseignement du théâtre pourrait me plaire car je pourrais lier ma passion et le métier de mes rêves en un seul. Et pour l'instant, je me laisse guider par la vie et je prendrai la décision en temps voulu. Et si mon futur métier n'est pas en lien avec le théâtre, alors je souhaiterais intégrer une troupe.